Marc M. Dan, archive.org. D'après, archive carmelisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. JMJT le 7 septembre 1895. À ma mère chérie le bel ange de mon enfance. PN 22. Composé pour Mère Agnès de Jésus, lors de ses 34 ans. Un petit compliment pour l'anniversaire de sa sœur Pauline, dont le style s'apparente à celui des poésies composées naguère par celle-ci. On peut y voir comme l'épilogue en vers de ce que maintes pages du manuscrit vient de redire en prose, le rôle providentiel que Pauline a joué, joue encore pour elle. Ce poème d'allure enfantine peut amorcer une étude sur la manière dont Thérèse voit son départ vers le ciel à travers les années, Bibliacle Russenlein. PN 22. Bien loin du beau ciel ma patrie, je ne suis pas seul ici-bas, car l'exil de cette vie, un bel ange guide mes pas. Ce bel ange, ô mère chérie, a chanté près de mon berceau, et l'accent de sa mélodie, me paraît encore tout nouveau. Il chantait de Jésus les charmes, il chantait la joie d'un cœur pur, de son aile séchant mes larmes, il chantait le beau ciel d'azur, il chantait la toute-puissance, qui fit l'astre d'or et la fleur, il chantait le Dieu de l'enfance, qui délice garde la blancheur. Il chantait la Vierge Marie, l'azur de son vaste manteau, et la colline et la prairie, où les vierges suivent l'agneau. Ce bel ange, zéro profond mystère, m'appelait sa petite sœur. Il avait les traits d'une mère, et je reposais sur son cœur. À l'ombre de ses blanches ailes, je grandissais rapidement, déjà les rives éternelles avaient ravi mes yeux d'enfant. J'aurais voulu quittant la terre, avec l'ange voler aux cieux, et voir la divine lumière, nous environner tous les deux. Mais, hélas, un jour le bel ange, au lieu de m'emporter au ciel, cherchant des vierges la phalange, prit son essor vers le Carmel. Ah que j'aurais voulu le suivre, contempler de près ses vertus. De sa vie je désirais vivre, comme lui, m'unir à Jésus. Au bonheur sans aucun mélange, Jésus exauça tous mes vœux, au Carmel près de mon bel ange. Je n'attends plus rien que les cieux, et maintenant sa mélodie, je puis l'entendre chaque jour. À sa voix, mon âme ravie, s'embrase du feu de l'amour. Mère, l'amour donne des ailes, bientôt je pourrai m'envoler, vers les collines éternelles, où Jésus daigne m'appeler. Mais sur cette plage étrangère, sans quitter la céleste cour, je descendrai près de ma mère, pour être son ange à mon tour. Pour moi le ciel serait sans charme, si je ne puis vous consoler, en sourire changez vos larmes, tous mes secrets vous dévoiler, de la joie céleste, et profonde, sans vous je ne saurais jouir, vous laisser longtemps en ce monde, où je ne pourrais le souffrir. Nous volerons vers la patrie, de l'autre côté du ciel bleu, ensemble, zéro ma mère chérie, toujours, nous verrons le bon Dieu.